Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Quand les champignons sortent du bois, une série de Céline Duchesnay réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a la jubilation de trouver parmi les feuilles mortes un joli cèpe bedonnant au chapeau brun, l'odeur douceâtre des caves ou des sous-bois et la fascination pour ces créatures multicolores et multiformes aux propriétés infinies. Alors pour commencer, les personnages. Un mycologue averti, un cuisinier passionné, un ethnologue aux aguets, un couple d'ethno-mycologues, Lénine prêt à tout, un sinologue et un herboriste. Ensuite, le décor. Girolles, cèpes, truffes, morilles, lactaires et trompettes de la mort, échalotes, ail et beurre frais, des ronds de sorcières, l'amour et le dégoût, des contes et des comptines, la peur, l'immortalité, l'Orient et des fricassés fatales. Aujourd'hui, deuxième épisode, on voyage. La chance d'aller en Chine. Et si vous allez dans les supermarchés en Chine, le rayon champignons séchés est aussi gros que le rayon chips. Philippe Sillard. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et dans tous les plats que vous mangez issus de la cuisine chinoise, il y a du champignon. Alors l'autre extrême, ce sont les Anglais, qui eux n'aiment pas du tout consommer des champignons. Et moi, j'ai souvenir d'être allé faire un petit tour en Écosse dans un bed and breakfast. On sort le matin du bed and breakfast et dans le jardin, il y avait plein de cèpes de Bordeaux. Dans la forêt derrière, il y avait plein de girolles et aucun n'était ramassé. Pour en France, qui est déjà un peu plus à l'est, c'est absolument impossible. Si vous avez un cèpe de Bordeaux pas ramassé pendant plus de 48 heures, c'est que vraiment, il n'y a personne qui est passé. Et pareil pour les girolles. Voilà. Plus on se déplace vers l'est, plus les gens sont mycophiles. On a effectivement un gradient avec, bon, les Français, on en consomme quand même pas mal. Les Italiens, encore plus, hein, avec leurs fameux porcini, etc. Si vous déplacez dans les pays de l'Est, là, on consomme aussi vraiment beaucoup, beaucoup de champignons. Ce qui a conduit à certaines catastrophes. On raconte assez fréquemment que des émigrés aux États-Unis, venant des pays de l'Est, voyant des champignons qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau avec ce qu'ils avaient l'habitude de consommer, les ont consommés et bien évidemment en sont morts. Il y a beaucoup de sosies chez les champignons. Énormément de sosies. Alors ça, c'est une des grandes caractéristiques des champignons. Alors, non seulement au niveau de la toxicité, mais au niveau de la forme des champignons. C'est-à-dire que le champignon typique tel qu'on l'imagine avec un pied, un chapeau et des lames en dessous, on sait que ça a été inventé au moins 8 fois au cours de l'évolution de manière indépendante. Donc deux champignons avec un pied blanc, un chapeau rouge et des lames blanches. Vous avez les amanites et les russules, et il y a probablement 300 ou 400 millions d'années d'histoires évolutives différentes entre ces deux groupes, inventées de manière indépendante. Ce qui veut dire que l'un peut être toxique et l'autre non. Deux espèces très proches, une peut être toxique et l'autre pas. Bon, par exemple, l'amanite phalloïde, qui est probablement l'espèce qui tue le plus de personnes en France, est très toxique, alors que l'amanite des Césars, qui n'est pas phylogénétiquement très éloignée, elle est parfaitement consommable et même considérée par les gourmets comme un des meilleurs champignons qu'on puisse consommer. Vous en mangez vous-même des champignons, Philippe Sillard ? Alors, j'ai pas les moyens de m'acheter des truffes, mais j'aime bien consommer des morilles. Je consomme aussi, comme un peu tout le monde, hein, des champignons de Paris, un peu des pleurotes, un peu des lantins, etc. Tout ce qu'on trouve sur les marchés ou dans la forêt. Parce que de temps en temps, on sort dans la forêt, puis on trouve de temps en temps des trompettes de la mort ou des girolles. On ramasse et puis on se fait des fricassés, on va dire. Le matin, c'est tout le travail d'épluchage, nettoyage, préparation des légumes. Quand on a fini tout ça, on passe aux champignons. Oh là là. On va amener les champignons au fur et à mesure. Tous nos ramasseurs nous ont amenés hier et puis ce matin. Là, on est sur la préparation des girolles. Jacques est en train de faire les lactaires. Régis Marcon, chef étoilé à Saint-Bonnet-le-Froid. Donc lactaire est un champignon un peu compliqué à nettoyer parce que les petites épines, vous voyez, qui sont là, ont tendance à s'accrocher et collent vraiment le champignon. Donc il faut les faire un par un. C'est assez long à préparer. Alors là, on a un lactaire délicieux. Il doit y avoir quelques sanguins aussi. Les lactaires, c'est très facile à reconnaître quand on les coupe. Lactaire parce que ça produit comme une forme de lait. Comme un lait. Hein, vous avez des lactaires où le liquide, il est tout blanc. Vous en avez un où il est gris. Il y a plusieurs lactaires qui sont comestibles. Vous voyez cette montagne, là, vous avez déjà devant vous presque 10 kilos de girole. On l'appelle la girole commune. C'est le champignon qui est le plus consommé en France. Parce que la saison démarre mois de mai, juin, jusqu'à l'hiver pratiquement, hein, jusqu'au début de l'hiver. Et il pousse par poussée régulière. C'est pour ça que c'est le champignon le plus consommé. Et puis un des plus appréciés, bien entendu. C'est qui t'a amené ça? Émilie. Vous avez par exemple un champignon qu'on trouve beaucoup au printemps, qu'on va peut-être trouver en automne, qu'on appelle le mousseron de printemps, le marasmius oreades, le marasme des oréades, parce qu'il pousse en oréade, en ronde sorcière, qui lui, dès qu'on l'humidifie, perd la moitié de ses saveurs. On va les laver, bien sûr, mais très peu. En même temps, il faut aller assez vite parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Alors bientôt va arriver, voire peut-être cette fin de mois, un champignon qu'on appelle le tricholome prétentieux. On y va le matin, qui a un petit peu de brume. On voit sous les épines des petites bosses. Et vous enlevez cette bosse d'épines, de mousse, et le champignon est dessous. Ce qui explique d'ailleurs que c'est un champignon qui va pousser presque aux premières gelées, parce qu'il se protège. C'est vraiment l'emblème, je dirais, de notre région, parce que c'est un champignon qui est très apprécié. En patois, on l'appelle le nerato, noiro. Et il est noir sur le dessus. Il a une queue un tout petit peu jaunâtre, c'est ce qui permet de ne pas le confondre des autres. Et on va lui enlever toute la peau du chapeau, pour deux raisons. Déjà pour le nettoyer, parce qu'il est bourré d'épines, forcément. Et pour la deuxième raison, c'est que cette peau est mucilagineuse à la cuisson. Ça colle un peu, vous voyez. Et une des troisièmes raisons pourquoi on l'épluche, c'est de nous permet, si c'est épluche bien, de ne pas le confondre avec d'autres qui ne sont pas très bons, qui peuvent être amers. Notamment certains tricholomes aussi. Alors en termes de goût, nous, c'est en même temps des souvenirs au village, des souvenirs de ma maman qui faisait beaucoup de champignons. Et ce champignon a une spécificité, c'est qu'il a une odeur un peu et un goût iodé. Et on le prépare quand on explique aux clients ou dans les cours de cuisine ou ceux qui nous posent des questions par rapport au champignon. La meilleure façon de le préparer, c'est comme une moule marinière. Une petite échalote revenue avec une noix de beurre ou une pointe d'huile, hein, bien fondue. Une gousse d'ail entière, juste pour un goût d'ail, mais on laisse pas l'ail. Et on va mettre ces champignons bien nettoyés. Une goutte de vin blanc. On met un petit couvercle, qu'on laisse cuire à peine 2 minutes, comme les moules. On égoutte ces champignons, on récupère le jus et on va le monter avec un beurre avec du persil. Et c'est franchement fabuleux. On a l'impression de goûter des moules marinières. On adore ce champignon. Il avait un cousin qui était très ramassé et depuis maintenant une douzaine d'années est interdite à la consommation, qui s'appelle le tricholome équestre. On l'appelle ici le canari. Il y a eu dans la région bordelaise, quelques décès, on ne sait plus pourquoi. Il y en a un qui dit un petit peu différent. L'oratum, par exemple, il y a eu certainement un peu de confusion. Bon, vous savez ce que c'est, hein. Il faut faire très attention et l'arrêter en France, pas dans tous les pays d'ailleurs, fait qu'on n'a plus le droit de le servir à la clientèle. Et ce qui est assez étonnant, c'est que nos ramasseurs nous font remarquer que peut-être, vous savez, en termes de champignons, il faut être très faire attention à ce qu'on lit aussi, pas avoir des idées trop préconçues. Mais peut-être on le retrouve moins, le fait qu'il soit moins ramassé. On en voit moins. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches et surtout des pochons solides. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Ne nous décourageons pas, ouvrons les oreilles et écoutons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eh ben, une fois, j'ai vu un champignon qui bougeait. Charles Stepanov. C'est tout à fait étonnant. Oui, et je me suis approché, j'ai vu qu'il faisait des petits mouvements. Et je m'approchais, je le regardais, je lui faisais des petits gestes et il répondait par des gestes. C'était tout à fait fascinant. Et bon, il y avait une bestiole à l'intérieur, une espèce de gros scarabée qui s'était installé là et qui le faisait bouger. Et vous étiez tout à fait disposé à accepter l'idée d'un champignon qui bouge ? Oui, à vrai dire, j'étais en train de chercher des histoires de ce genre-là. Donc, j'étais tout à fait ouvert à ça. J'étais un peu déçu de voir qu'il y avait un scarabée en dessous. Oui. Comment ça, vous étiez en train de chercher des histoires de ce genre-là ? Je ne sais plus exactement, c'est il y a quelques années, mais je commençais à travailler sur l'ethnographie. Eh bien, des usages dans le chamanisme, dans les traditions rituelles sibériennes. Des champignons sont considérés comme une sorte d'être vivant qui peut avoir une intentionnalité, qui peut bouger, danser. Donc le fait moi-même de tout d'un coup d'être face à un champignon qui faisait quelques mouvements de danse presque, c'était à la fois inattendu et tout de même une confirmation de mes recherches. Les Russes sont un peuple globalement mycophile, mais vous, Charles Stepanov, vous avez travaillé dans une région en Sibérie où les gens sont mycophobes. On considère qu'il y a deux grandes classes de traditions culturelles par rapport aux champignons. C'est Wasson qui a introduit cette notion. Il y a d'un côté les peuples mycophiles et de l'autre les peuples mycophobes. Les mycophiles sont ceux qui aiment les champignons, donc non seulement qu'ils les mangent, mais qui sont absolument fascinés par ces êtres vivants, et souvent il y a une mythologie, un folklore associé aux champignons. Et de l'autre côté, des peuples mycophobes qui au contraire éprouvent beaucoup d'aversion pour les champignons, les regardent comme des formes de vie dangereuses, toxiques, répugnantes aussi, associées aux excréments. Et alors en Sibérie du Sud, notamment, alors là où j'ai travaillé, les gens sont mycophobes, donc ne les consomment pas, considèrent dégoûtant l'usage des Russes de les manger. Par contre, il existe un ensemble de populations, alors que j'ai connu moi par la littérature, qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'il est très différent de là où j'ai fait mon terrain, plus dans les zones subarctiques et arctiques, qui sont mycophiles, qui eux mangent des champignons, et notamment la manie de tue-mouche à des fins psychotropes. Alors il y a un article, Charles Stepanov, de Claude Lévi-Strauss, qui s'appelle « Dis-moi quel champignon tu consommes, et je te dirai quel peuple tu es ». Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Donc, Lévi-Strauss s'est intéressé aux champignons ? Voilà, c'est un article de 1958, publié dans le journal L'Express, dans lequel Lévi-Strauss a eu envie de parler d'un livre qui l'avait absolument fasciné, produit par les époux Wasson en 1957, et qui s'appelait « Mushroom, Russia and History », donc « Le champignon, la Russie et l'histoire ». Et c'est un livre, l'origine est assez amusante, en fait, c'est un Américain et une Russe qui était époux et qui se sont rendus compte qu'ils avaient un rapport tout à fait différent aux champignons l'un et l'autre. L'époux américain était assez dégoûté par les champignons, ça lui inspirait rien du tout d'appétissant, et par contre son épouse, dès que c'était la saison, était surexcitée, ça lui évoquait énormément de souvenirs, de littérature. Ils se sont rendus compte du coup comme ça que, en fait, ce qui se révélait dans leur ménage, c'était une rencontre entre deux cultures de rapport aux champignons complètement différents et que ça remontait à loin. Il y a cette anecdote que Lénine a raté un train à un moment parce qu'il a découvert des cèpes le long des voies et puis il a préféré les ramasser que de courir et sauter dans son wagon. Voilà pour l'exemple de la mycophilie à la russe. Et d'un autre côté, Darwin, donc l'anglais, qui était assez dégoûté par les champignons, les remarquait très peu, tout en étant le plus grand naturaliste du 19e siècle. Il n'y trouvait pas d'intérêt. On raconte que sa fille aussi, alors les faisait brûler en secret les champignons de forme impudique pour que les servantes ne les voient pas. Donc il y a énormément là de dégoût qui implique des aspects sexuels aussi là-dedans. L'épouse Wasson, Valentina Pavlovna Gerken, était d'origine russe. Vincent Verroust. Elle avait fui la Russie avec sa famille, elle avait fui la révolution russe, donc elle était empreinte de culture slave. Lors de leur lune de miel, ils se sont mariés en 1927, et alors qu'ils se promenaient dans la forêt, hop, elle disparaît un instant et elle revient après avoir cueilli quelques girolles. Et ça a profondément étonné, choqué, voire dégoûté son jeune époux, qui lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cueilles ces cochonneries ?» Et elle lui dit « Bah, on va les manger, ce sont des délicieux champignons comestibles. » Et elle lui dit « Mais pas question, je toucherai jamais une chose pareille, c'est dégoûtant. » Et finalement, le soir, bah, elle s'est fait sa petite poêlée de girolles, et lui, il raconte ça souvent au début de ses ouvrages, il avait très peur de se réveiller veuf. Finalement, il ne s'est pas réveillé veuf du tout. Il a raté une poêlée de girolles, tant pis pour lui. Mais ils ont vraiment pris conscience à ce moment-là qu'ils avaient chacun une attitude très différente vis-à-vis des champignons. Une attitude qu'ils avaient héritée de leur culture respective. Donc slave pour Valentina et wasp, on va dire, pour Robert Gordon Wasson. À partir de là, comme c'était des intellectuels fortunés, ils ont décidé de consacrer du temps à l'étude des rapports entre les peuples et les champignons, et donc à fonder l'ethnomycologie. Donc ils sont devenus des ethnologues amateurs. Mais le terme amateur est un petit peu péjoratif parce qu'ils ont fait un très très gros travail de recherche. Donc ils ont fait un travail d'historien, de philologue. Ils ont vraiment cherché dans les textes tous les termes qui se prêtaient aux champignons, les proverbes, tout ce genre de choses, et donc ils ont abouti à cette théorie qu'il existe deux types de peuples, les peuples mycophiles et les peuples mycophobes. Ils ont essayé de cartographier en fait les rapports aux champignons à travers le monde, et ils se sont rendus compte qu'on a donc d'un côté, comme ils l'ont dit, des peuples mycophobes, les peuples germaniques anglo-saxons, et d'un autre côté des peuples mycophiles, pour l'Europe en tout cas, les Slaves, et puis ça va en Sibérie et également, on voit la mycophilie dans la Sibérie du Nord avec ceux qui mangent la manite du mouche. Chez les Latins, c'est un peu la zone intermédiaire, et c'est là que ça devient intéressant, ça devient compliqué. Autour du bassin méditerranéen, il y a les Italiens, les Français, pas partout, sont très attirés par les champignons, aiment en ramasser et en mettre dans leur cuisine. Et puis dans certaines zones, c'est assez complexe. En Espagne, par exemple, il y a une région où les gens aiment les champignons, c'est la Catalogne. Dès cette époque-là, Lévi-Strauss dit c'est quand même frappant quand on voit voilà, le destin particulier de la Catalogne, différent du reste de l'Espagne. Il remarque que l'attrait pour les champignons est lié à des mouvements révolutionnaires. Les pays qui ont une tradition révolutionnaire sont mycophiles, alors que les pays qui ont une tradition libérale sont plutôt mycophobes. Il observe aussi que la partition entre mycophilie et mycophobie à travers l'Europe correspond au partage entre les pays du pacte atlantique, de l'OTAN, et les pays du pacte de Varsovie. C'est tout à fait frappant. On est en 58, oui. Hein. Voilà. Et ça reste d'actualité, malgré tout, parce que, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on a vu les événements en Catalogne, cette volonté d'indépendance de cette région. Et on se dit, c'est la seule région où les gens sont mycophiles. Donc, d'après Lévi-Strauss, il y aurait une forme de géostratégie, de grands ensembles culturels et politiques qui s'expriment à travers le rapport aux champignons. Et les événements en Catalogne nous prouvent que c'est toujours valable aujourd'hui. Voyez les girolles, mesdames, voyez les girolles, c'est comme des sans-pipi, des sans-pipi, des sans-pipi. des champignons, des champignons, des cameux, des cameux. Voyez les champignons, les champignons, des cameux, des cameux, des cameux. Voyez ma belle pirole, madame, des cameux, des cameux, des cameux, des cameux, des cameux, des cameux, des cameux, des cameux. Voyez les champignons, voyez les champignons, voilà un champignon, des cameux, des cameux. Voyez les champignons. Federica Tamarozzi, vous êtes ethnologue, vous êtes aussi conservatrice au musée d'ethnographie de Genève. Et je souhaitais savoir si les champignons étaient présents dans les contes européens. Oui, ils le sont. Alors la chose qui est intéressante, c'est que les contes nous permettent de déterminer, et pas seulement les contes, la littérature orale en général, si on est dans un contexte culturel microphage ou mycophobe. Les contes, comme les dictons, comme les comptines, nous permettent d'accéder à un niveau de conscience collective qui reste souvent caché. Donc, nous permet de montrer aussi comment les choses évoluent, comment les goûts évoluent, comment certaines valeurs évoluent. Et du coup, c'est jamais une relation de cause-effet directe, mais c'est des indicateurs précieux pour comprendre les cultures populaires d'autrefois et même d'aujourd'hui parfois. Il y a par exemple des contes vallons qui nous expliquent aussi des techniques pour, plus ou moins fiables, hein, pour détecter si un champignon est vénéneux ou pas, en les faisant cuire par exemple avec une pièce d'argent. En Russie, une histoire où tous les personnages sont des champignons qui se font la guerre. Et ce conte est une espèce de comptine qui permet de mémoriser les noms de tous les champignons comestibles de la région. Donc il y a vraiment un patrimoine assez riche, parce qu'après, par exemple, dans les pays anglo-saxons, il y a des contes qui sont un peu frileux vis-à-vis des champignons. D'ailleurs, on les appelle souvent les tabourets des crapauds, les chapeaux des crapauds. On considère les champignons qui poussent en rond comme des cercles fériques dans lesquels il ne faut pas rentrer, sauf à mettre sa vie en péril. Tous ces contes nous permettent de déterminer justement quelle est la relation alimentaire qu'on peut avoir avec ces aliments et comment on les considère, si on les considère comme du poison, un aliment tout simple, une délicatesse ou encore un objet médicamenteux. Ailleurs, par exemple au Canada, il y a des contes qui expliquent la relation que certains champignons hallucinogènes peuvent avoir avec la vision du monde des esprits. Qu'est-ce qui fait que les peuples anglo-saxons et germaniques n'aiment pas les champignons? Est-ce qu'il y aurait une origine, je ne sais pas, mythologique? Ou pourquoi est-ce qu'on associe par exemple souvent les champignons en Angleterre aux sorcières, à des mondes un peu maléfiques? Pour Wasson, ça a été d'essayer de décrire les grands ensembles. Ensuite, arriver à les expliquer, c'est encore une toute autre affaire, parce que manifestement, ça remonte à très loin. Vu le grand partage que ça trace à travers l'Europe et même plus loin à travers le monde, c'est des tendances très lourdes qui remontent, d'après ces auteurs, probablement au néolithique, peut-être au paléolithique. Donc là, on se trouve dans des périodes très éloignées sur lesquelles tout ce qu'on peut dire sera purement spéculatif. L'hypothèse, c'est sans doute qu'il y a eu un culte du champignon chez un certain nombre de peuples. Et pour Wasson, dans un ouvrage ultérieur, qui s'appelle Soma Divine Mushroom of Immortality, donc le Soma, le champignon divin de l'immortalité. Il défend la thèse que les traditions anciennes des Indo-Européens étaient centrées sur le champignon de la manite tumouche, et que, en fait, le Soma, un terme qu'on trouve dans les textes védiques anciens, qui a des équivalents dans l'iranien avestique, eh bien, correspondrait à l'origine à la manite tumouche, et qu'on aurait eu une consommation rituelle à but psychotrope de ce champignon chez les anciens indo-européens, à la façon dont on le voit aujourd'hui chez les peuples de Sibérie du Nord-Est. Donc, le rapport actuel aux champignons, des peuples mycophiles et mycophobes, correspondrait en fait à des grandes traditions religieuses très anciennes, remontant peut-être à l'âge du bronze, hein, puisqu'on parle des proto-indo-européens. Donc ceux qui ne sont pas mycophiles aujourd'hui, c'est probablement des populations qui ont rejeté ces cultes originels du champignon, peut-être à l'issue de guerres, de conflits, vous voyez, de scissions, qui font que on n'a pas juste une indifférence chez les anglo-saxons et les germains par rapport aux champignons. On a une hostilité, un dégoût viscéral qui donne le sentiment que ça manifeste une confrontation ancienne entre des cultures différentes qui se sont opposées, peut-être militairement. Les Anglais disent même que chez eux, il n'y en a pas, alors qu'il y en a énormément. Mais simplement, ils n'y font pas attention et ils ne les cherchent pas comme nous, on a tendance à le faire. How do you pep up a pizza? Make room for the mushrooms. Make room for the mushrooms. Pourquoi est-ce que finalement on parle tout le temps de la manie de Tumouche? Est-ce que ça pourrait être une de ces raisons, justement, historiques? Est-ce que c'est aussi ce physique particulier? Il a été repris, enfin, je pense, aux champignons des Schtroumpfs. Enfin, c'est dans Alice au Pays des Merveilles, c'est aussi la manie de Tumouche. Pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire, ce champignon, cette manie de Tumouche? Alors, c'est un champignon magnifique. Quand on le voit, il saute aux yeux dans la forêt. Et il est tout rouge, il a des formes différentes, il a ces petites mouchetures blanches très délicates qui sont en relief en plus. Il évoque beaucoup de choses et l'hypothèse selon laquelle le soma correspondrait à ce champignon-là dans les cultes védiques proto-indo-européens anciens, elle est aussi fondée sur l'apparence. Parce que dans les hymnes védiques, on dit que le soma, c'est quelque chose qui évoque le soleil, qui est rouge, il y a différents traits qu'on trouve dans ces textes très anciens, qui prendraient sens si on les applique à ce champignon-là en raison de sa forme, de sa couleur particulière, de son esthétique, qui évoque quelque chose de chaud, de lumineux, de rouge. Il y a une autre série d'arguments que je n'ai pas évoqués, c'est ce qui concerne l'urine. Il y a des évocations qui mettent en rapport, dans les textes védiques anciens, soma et l'urine. Alors comment? C'est absolument incompréhensible. En dehors de l'hypothèse du champignon à manie de Tumouche, pourquoi? Parce que précisément, sa consommation, elle se fait aussi par l'urine chez les peuples de Sibérie du Nord-Est, 19e, début du 20e siècle. Dans les zones où il n'en poussait pas beaucoup, il y a seulement les riches qui pouvaient en consommer sous sa forme véritable. Et puis les plus pauvres consommaient l'urine des riches qui avaient consommé la manie de Tumouche parce que les molécules actives sont conservées, résistent au métabolisme de l'organisme humain, et même sont plus concentrées, paraît-il. Et vous, est-ce que la manie de Tumouche, en dehors de votre sujet d'étude, mais est-ce que c'est un champignon qui vous fascine? Oui, je trouve très joli. Et puis, les mycologues disent que quand on trouve de la manie de Tumouche, on a de bonnes chances de trouver aussi des cèpes. Donc, ça peut être un indice qu'on va pouvoir garnir le déjeuner. Tu mets les amanites sous l'entrée, Rémi? Comme on avait dit, tu sais. Pensez-y, hein, vous me les passez. Goûte déjà voir ce que ça donne, mais je pense que ça doit pas être mauvais. Oui. On les passe. Une brunoise pour Rémi. En carpaccio, on va choisir un petit set bien fermé. Là, c'est des grosses lamelles, on va plus les faire snacker. Chaque. Mettre le cèpe, il y a toutes les tailles, donc il faut savoir optimiser un panier de cèpe en fait, simplement. Et moi, maintenant, je vous invite à partager la fricassée retour de cueillette. De tous les champignons qu'on a préparés depuis ce matin, je vais aller faire mon petit marché et on va faire une fricassée avec 15 espèces différentes. Déjà en couleur, c'est appétissant. On a du rose, après, du jaune, du noir. On va commencer noir. À cuire ce qui est plus ferme. On va commencer par le pied de mouton et la chanterelle violette. Ensuite, on va mettre le cèpe édulis, le cèpe aérus, le cèpe papier pied rouge, le érythropus. Puis après, on mettra le rosé des prés. Et pour finir, on finira avec les chanterelles, chanterelle jaune, la chanterelle commune, la tubéa formis aussi, la chanterelle grise, qui sont plus délicates, juste un aller-retour. Et j'ai oublié la trompette de la mort, on va la mettre un peu différemment. La trompette de la mort, je vais la blanchir un peu avant, tout simplement parce que j'ai peur que si on la mélange, elle amène à un côté un peu noirâtre de la composition. Voilà, alors maintenant, la recette est simple. Quelque chose de très simple. Je vais y ajouter un tout petit peu d'oignon. Là, j'ai pris un oignon nouveau qu'on mettra au milieu de la cuisson, juste pour lui donner un petit peu parfum, un petit peu, voilà, un petit peu condiment. Sel, pas de poivre. Je me permettrai de rajouter une gousse d'ail et un petit peu de thym ou du serpolet de montagne. Quand on a le champignon en bouche, on sent bien sur la texture. Pour moi, ça résume tout la cuisine aux champignons. Cette élégance dans la poêle. Ce côté noir qui va trancher avec le jaune de la girole, l'orange de la caire, le blanc du sparadis. Pour moi, c'est faire ça, c'est ça s'explique pas. Du sel, un sel gris. Voilà, nos champignons sont presque prêts. Regardez, mettez le nez au-dessus de la poêle. Et là, je vais tout simplement finir avec une noix de beurre salée. Ou beurre, mais un petit bout de fleur pour claquer un peu sous la bouche. Voilà, terminé. Et on va goûter. Le sparasis, c'est sublime. J'ai l'impression de croquer une amande. Là, j'attaque le lactaire. C'est encore plus craquant. Ça ne se définit pas, le lactaire un peu fort. Tiens, on va goûter une chanterelle grise. Une girole. Une girole, c'est déjà beaucoup plus fruité. Avec une texture beaucoup plus croquante, mais beaucoup plus doux, plus moelleux quand même. La cratrelle. Oh, qui passe au-dessus. On est beaucoup plus dans le côté un peu plus sapide. Goûtez, mais bon, ça, regardez pas. Je mangeais un cep. Alors là, vous avez un goût. On croque de la noisette. Mais une noisette qui serait tendre. C'est... Voilà, il se mange en 10 minutes, un quart d'heure. On les prend un par un. Et on se dit que la vie est belle. Vincent Gossard, vous êtes historien de la Chine à l'école pratique des hautes études et je voulais savoir si les Chinois sont considérés comme un peuple mycophile ou mycophobe. Quiconque a déjà fait un bon repas chinois peut répondre aisément mycophile. Tradition gastronomique chinoise laisse une place importante aux champignons à juste titre. Et puis l'écologie de la Chine est à ce point variée qu'il y a une très très grande variété de champignons et qui sont consommés de longue date. On retrouve ça dans les traités de cuisine, de diététique, etc. Mais du point de vue qui m'intéresse plus particulièrement, qui est l'histoire religieuse, on voit aussi qu'il y a, que ce n'est pas juste un ingrédient considéré comme savoureux ou bon à manger, mais qu'il y a une dimension symbolique assez forte du champignon, qu'il est associé à un certain nombre de pratiques qui ne sont pas uniquement des pratiques du bien manger. Alors justement, donc impossible de dissocier le champignon aliment d'une dimension peut-être spirituelle. Je pense notamment à ce champignon qui s'appelle Lingzi, qui signifie le champignon divin d'immortalité. Alors est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il porte ce nom-là ? Ling, qu'on traduit par divin, immortalité, c'est pas une traduction exacte, c'est une interprétation. On va le retrouver associé à toutes sortes de, d'autres plantes ou des minéraux, ça veut dire qu'il y a une efficacité, qui rend la divinité présente, qu'il y a une efficacité. En consommant ces champignons, en les choisissant bien et en les consommant de la bonne façon, on peut effectivement se transformer soi-même et éventuellement atteindre la divinité ou l'immortalité. Une des formes que cette recherche de champignons prend, c'est cette champignon bien réel, qui existe aussi parfaitement en France, qu'on croise dans nos forêts, simplement la culture française, on s'y intéresse pas tellement, qui est le Ganoderma, qui sont ces champignons très durs, en forme de langue, qui poussent sur le tronc des arbres, et auxquels les Chinois accordent beaucoup d'intérêt, donc on les récolte. Et on les consomme séchés, donc on peut en faire. C'est tout à fait comestible. C'est un goût un peu amer, mais c'est pas du point de vue de la gastronomie, ça n'a pas un intérêt fou. Mais c'est utilisé aussi en médecine, bien entendu, en médecine chinoise. Les champignons aussi sont très présents dans la pharmacopée. Mais voilà, dans cette tradition de la transformation de soi par l'alimentation, c'est-à-dire la voie diététique, si vous voulez, pour vers l'immortalité, on accorde beaucoup d'intérêt à ces Ganoderma. On va les choisir, les cueillir, les ramasser, les sécher, les vendre en entier ou sous forme de poudre, etc. Associé à ça, il y a aussi tout un volet esthétique. c'est pas uniquement la consommation de produits qu'on cherche, dont on attend un effet sur le corps. Ils font partie de cet imaginaire de la montagne, du sauvage, du lieu saint, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans la culture chinoise. Il y a les grandes montagnes saintes qui attirent en nombre immense les pèlerins et les visiteurs de très longue date, qui sont les plus connus dans le monde chinois, mais en réalité, chaque endroit a ses petits lieux saints. Donc, ça porte le nom de montagne, mais parfois le même mot montagne, shan. En chinois, ça peut désigner une petite colline qu'on grimpe en 3 minutes, donc comme dit le proverbe. L'important dans la montagne, c'est pas sa hauteur, c'est qu'il y a une présence divine qui s'exprime parfois par des apparitions, donc des miracles, etc. Mais aussi par la présence de ces plantes spéciales ou extraordinaires, des minéraux aussi, des arbres très anciens, etc. Et ce sont donc ces lieux saints sont protégés de très longue date, et encore aujourd'hui, cette tradition est vivante. On sait qu'il ne faut pas aller couper du bois, on ne va pas abattre les arbres, on ne va pas cueillir les fleurs ou les plantes, on ne va pas chasser. Donc on protège aussi la faune, hein, on ne va pas mettre du poison ou des produits toxiques dans les cours d'eau, etc. Et donc, beaucoup d'endroits ont gardé ces parfois petits lieux saints, mais qui sont des réservoirs de diversité pour la faune et la flore. Et ces champignons, et en particulier les Ganoderma, là, ils font partie de cela. Mais simplement, sa présence est une sorte d'indice ou de marque qu'on est là dans cet espace un peu différent où il y a une présence divine qui est plus forte, plus sensible. Il y a aussi des grottes hein, qu'on peut rentrer pour passer dans un autre monde. Voilà. Donc, tout cet univers-là, il est présent dans la peinture. Dans tous les arts décoratifs, on va retrouver aussi ces champignons, en particulier ces Ganoderma, dans le décor de la porcelaine, sur les bois gravés, etc. Donc ça fait partie, c'est une sorte de marqueur culturel, visuel, de cet attachement à ces lieux de nature particuliers, sauvages. Il y a, pour un certain type de champignons, cette forte valorisation culturelle qui l'associe au régime de transformation du corps, régime d'immortalité, au lieu saint. Il y a une forte valorisation des plantes sauvages que l'on va cueillir de façon générale et des champignons en particulier. Les gens ne deviennent pas immortels, j'imagine. L'immortalité consiste, dans la tradition taoïste, à faire la part dans l'être humain, sachant qu'il n'y a pas une différence radicale à la façon judéo-chrétienne entre l'âme et le corps, donc dans ce qui fait l'individu, de ce qui est universel, transcendant, de ce qui est contingent et mortel, et périssable. Et donc si on peut laisser de côté, faire sortir de soi de cette part contingente, mortelle, éphémère, et ne devenir qu'être cet être transcendant, eh bien on atteint l'immortalité. Il y a, pour simplifier beaucoup, d'une part une démarche d'avoir une vie bonne, longue, en bonne santé, donc ça implique la médecine, ça implique la diététique, la gymnastique, tout ce qui permet d'avoir un corps et un esprit plus solide, vif, en meilleure santé, donc très durable. D'une part, de l'immortalité de l'autre, qui est vraiment une transformation radicale, c'est vraiment un changement d'état et de statut. Mais il y a des méthodes d'immortalité qui passent par la diététique, donc par l'ingestion d'un certain nombre de matières, minérales aussi, donc toutes les traditions alchimiques, et puis, mais aussi végétales, les plantes, certains champignons, les pignons de pin, tout ce que les ascètes sont réputés manger en montagne, qui permet d'évacuer de leur corps tout ce qui est périssable, qui est lié donc à la plante domestiquée, de les rendre d'une solidité, d'une vigueur comparable à celle du jade ou de l'or, qui leur permet, d'après les textes, donc de vivre éternellement et de pouvoir apparaître et disparaître à volonté. D'autres ne plus être liés aux limites du corps humain dans son fonctionnement habituel. Alors le maïtake ressemble à un gros chou-fleur. que l'on trouve facilement et qui, lui, est quand même cultivé de façon courante, que ce soit en Chine ou au Japon. On l'en cultive aussi un petit peu en France. Le cordyceps est un champignon qui pousse au Népal, à l'état sauvage. Le shiitake, qui ressemble vraiment à un champignon, on l'utilise pour augmenter les défenses immunitaires, éviter toutes les affections en général, c'est-à-dire ça peut être des affections fébriles de l'hiver, quand on se sent un petit peu faible et qu'on a besoin de booster un petit peu les défenses immunitaires en général. Michel Pierre, vous êtes herboriste depuis 46 ans et nous sommes ici dans l'herboristerie du Palais Royal à Paris. Pourquoi, selon vous, les champignons traditionnellement ne font pas partie de la pharmacopée occidentale, européenne ? On ne sait pas très bien où placer les champignons dans la pharmacopée européenne. Traditionnellement, on n'a pas non plus l'habitude de consommer des champignons. On connaît l'usage des champignons classiques en France, notamment le cèpe, qui est tonique, qui donne de l'énergie. Les champignons de Paris, hein, les agarics classiques, qui vont jouer sur la détente au niveau de l'organisme pour augmenter les défenses immunitaires en général. Quand on rentre dans une herboristerie française ou européenne, ce sont plus les plantes qui vont avoir cet aspect médicinal. Tout à fait, ce sont les plantes que l'on utilise. Culturellement, on n'a pas l'habitude de faire usage de champignons. C'est par une méconnaissance principalement. Alors vous, dans votre herboristerie, quel type de champignons vous pouvez proposer ? Alors les champignons que nous proposons sont présentés sous forme de gélules. Le maïtake, le shiitake, ça va être le cordyceps, c'est-à-dire chacun va augmenter les défenses immunitaires en général, si ce n'est que le cordyceps est quelque chose qui va agir beaucoup plus sur l'énergie, qui va redonner de la forme, qui va redonner du tonus, mais c'est quand même principalement un produit qui redonne de la forme. Pour l'instant, le monde médical ne s'y intéresse pas du tout, et à tort, parce que quand même, on a découvert la pénicilline, qui était quand même le premier champignon qui a sauvé bien et bien des vies, hein, et qui a été le premier antibiotique sur le marché mondial. Il y a tellement de principes actifs intéressants dans le champignon que ça mérite qu'on y prête attention. Au niveau européen, la réglementation ne sait pas encore dans quelle case classer les champignons. On sait classer les plantes dans les cases alimentaires ou dans les cases médicinales, mais pour les champignons, ils sont un petit peu perdus. Alors ça va être une garniture pour un plat à la carte. Et ça va être un plat mélangé avec du sparadis crépu. Sparadis crépu, et j'ai vu qu'il avait mis de la terre. Alors la terre va amener le croquant. Le sparadis, le côté un peu étonnant, un peu chou-fleur. Il ne faut pas se tromper, c'est un sparadis crépu, parce que moi je vois souvent des photos sur internet de chefs ou de ramasseurs qui ramassent des sparadis qui sont toxiques. Limonesa qui n'est pas bon, hein. Alors attention. D'où la nécessité de travailler avec des gens qui connaissent vraiment. Par exemple, si j'ai 1% de doute sur une amanite ou un champignon, je ne vais surtout pas la servir. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, à l'automne, qui prennent des risques inconsidérés parce qu'ils vont poêler n'importe quoi ce qu'ils ont trouvé. Et, enfin, Pierre Roux, un ami mycologue qui reçoit chaque jour une trentaine d'alertes en ce moment parce que les gens ne mangent tout et n'importe quoi et se retrouvent dans des hôpitaux, dans les centres antipoisons. Là, encore une, Hervé. Par exemple, là, il n'y a aucun risque. La girole, forcément, on fait très attention. Mais vous avez... l'appréhension, peut-être, c'est au moment où il y a le tricolome prétentieux, quand ils sont petits comme ça, ou alors là, avec Jacques, on est toujours là, parce que ça, il peut y avoir un ou deux sujets un peu toxiques. Pas méchants, mais quand même. Et quand même, les gens viennent pas... On se doit d'être hyper, hyper vigilants. Non, mais il y a un tamis, parce que, vous voyez, tous ces ramasseurs sont soumis à un contrôle déjà, avant de venir ici. Nous étions 12 à table. Un tas de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Seul, car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes. Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, « Puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. » ces végétaux mortels, c'était le sourd-muet qui les avait cueillis. Le docteur Lavignac, appelé dans le courant de l'après-midi, ne cessa de prodiguer ses soins éclairés, mais hélas, inutiles. Ma famille s'éteignait inexorablement. L'oncle assassin, le sourd-muet, mourut le dernier dans d'horribles souffrances. On entendait « Ah ! Ah ! » On demandait « Mais quel est celui qui crie comme ça ?»« C'est le muet, » répondait-on. Quand il y a des intoxications, ça c'est très important. Alain Champagne. Il faut signaler aux urgences que c'est une intoxication fongique. Comme ça, on ne pouvait pas attendre. Parce que dans les urgences, maintenant, vous savez, on fait attendre des heures. Mais quand vous avez une intoxication fongique, là, il ne faut pas attendre des heures. Donc, il faut le signaler très vite. Il faut savoir où a été ramassé le champignon et dans quelles conditions. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est la durée des symptômes. Quand c'est des symptômes qui apparaissent 3 heures après l'ingestion, on peut considérer que l'intoxication est banale, même si elle peut être très forte. Par contre, quand vous avez une intoxication qui démarre entre 5 et 6 heures, là, il faut vraiment, c'est tout de suite l'hôpital. C'est soit la manie de Folloïde, enfin, c'est vraiment les champignons vraiment mortels. Hein? Donc 3 heures, ça va, 6 heures, c'est trop. C'est une question de poison. Vous avez la manie de Folloïde, par exemple, le poison se diffuse après 5 et 6 heures. Les autres, c'est très rapide. Il y a une absorption qui est très rapide. Donc les symptômes vont être rapides. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut être très malade. Hein, le hit parade de l'année dernière, c'était le fou clitocybe lumineux, c'était l'antolome livide et le bolet Satan. C'était les trois responsables. Donc, ça provoque des diarrhées très importantes, mais on ne risque pas la mort. Par contre, la manie de Folloïde, il faut faire très très très attention et surtout être très rapide. C'est un poison violent qui est absorbé par l'intestin déjà. Les amatoxines et les phallotoxines. Les amatoxines, c'est un poison qui va empoisonner toutes les cellules du corps humain. Toutes les cellules. Elle va faire éclater les cellules et les phallotoxines, elles profitent des amatoxines pour aller dans l'organisme et attaquer le foie. Hein, c'est la phase hépatique. Et c'est là, ces phallotoxines-là qui détruisent le foie. Et quand le foie est détruit, c'est fini, quoi. Le remède, la rapidité et l'hôpital. À ce sujet-là, je me souviens qu'il y avait un assureur qui assurait les gens sur la vie et qui les invitait à dîner et qui allait en forêt chercher des champignons et il connaissait un peu la manie de Folloïde, effectivement, quelquefois, donc quand il avait signé son contrat et bien sûr il se mettait l'héritier et donc il faisait manger son plat de champignons donc à ses clients. Alors quelquefois il décédait, quelquefois il décédait pas. Eh bien, ça venait tout simplement que, quelquefois, c'était une amanite phalloïde et quelquefois, c'était une amanite citrine. Voilà, tout simplement. Et les deux se ressemblent, bien sûr, pas pour un expert, mais pour un lambda. Un lambda, on peut se tromper, ça, c'est certain. Bernard Leborgne, vous êtes libraire à L'Œil du Mercure et nous avons là sous nos yeux un vieil ouvrage qui parle de champignons, un ouvrage qui date de 1832 d'un certain Joseph Roch. Quel est ce livre ? Alors c'est un livre qui a été conçu pour déterminer ceux qui sont dangereux, décrire les symptômes d'empoisonnement et puis aussi indiquer au commun des mortels les différentes saveurs et les capacités de ces fameux champignons, leur qualité gustative et les endroits où on peut les trouver. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation et de mise en garde des dangers des champignons de toutes sortes. Il va immédiatement verser vers ces qualités gustatives qui va mêler selon les familles avec les descriptions les plus épouvantables des maladies, des morts et des hallucinations provoquées par les plus méchants d'entre eux. On sent qu'il y a chez Rock une attirance pour le danger. Il en joue. Il cite des exemples nombreux de familles décimées par un champignon épouvantable alors que le voisin est absolument délicieux. Il joue avec cette ambiguïté du champignon. Il insiste sur l'importance de la couleur qui pour lui semble être un monde coloré qui signifie la double nature du champignon. Le côté à la fois savoureux et beau, et puis ce côté maléfique, mortel. C'est l'univers fantasmé du champignon, mais c'est aussi une réalité dangereuse qui rajoute au plaisir de les connaître et de les déguster. On pense un peu à ces poissons vénéneux japonais, par exemple, où il y a cette espèce de courage gustatif à surmonter, à faire confiance à son cuisinier. Là, on va verser aussi vers autre chose, qui est l'imaginaire qui se rattache au monde des champignons, encore au XIXe siècle, des croyances populaires et des usages pernicieux qu'on peut faire de ces fameux champignons pour accéder à un autre monde. Donc il a conscience d'avoir affaire, en parlant des champignons, à un univers qui est foncièrement double. C'est très nouveau et d'ailleurs, Rock est signalé comme étant l'introducteur du champignon dans notre cuisine nationale. La suspicion qui existait envers les champignons va sauter grâce à lui et à ces signes qui permettent de reconnaître et de la désirer avoir dans son assiette ces mets particulièrement somptueux et si dangereux si on commet la moindre erreur. On est dans une période qui joue beaucoup avec ses fascinations pour l'étrange, les frontières des mondes. C'est l'époque des tables tournantes, c'est l'époque de tout un jeu comme ça avec le fantastique. Il est évident que ce livre participe de ça. Ce goût pour les descriptions morbides, pour les hallucinations, ces sous-bois. On va trouver le champignon de ses rêves, le plus beau, le plus délicieux, et laisser à côté celui qui va provoquer les maladies les plus épouvantables. Ça rentre tout de même dans un imaginaire incroyable. Champignons sortent du bois, une série documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret, aujourd'hui mycophile ou mycophobe. Avec, par ordre d'apparition, Philippe Sillard, Régis et Jacques Marcon, chef étoilé, au chant Jérôme Marin alias Monsieur K, Charles Stepanoff, Vincent Verroust, Federica Tamarozzi, Vincent Gossard, Michel Pierre, Alain Champagne de la Société Mycologique de France et Bernard Leborgne. Prise de son, Éric Audra, Arthur Gerbeau et Yves Le Horse. Mixage, Alain Joubert. Merci à Emmanuel Monnoyeur, maître fromager chez Androuet. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant la cueillette, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Les mondes invisibles. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.